الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. On continue inshallah l'explication en française du livre intitulé بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول الشيخ رحمة الله عليه الحديث 21 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونطف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم. يقول الشيخ رحمة الله عليه: الفطرة هي الخلقة التي خلق الله عباده عليها وجعلهم مفطورين عليها على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر ودفعه، وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله، وجعل تعالى شرائع الفطرة نوعين، أحدهما يطهر القلب والروح هو الإيمان بالله وتوابعه من خوفه ورجائه ومحبته والإنابة إليه. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فهذه تزكي النفس وتطهر القلب وتنميه وتذهب عنه الآفات الرذيلة وتحله بالأخلاق الجميلة، وهي كلها ترجع إلى أصول الإيمان وأعمال القلوب. طيب. Donc en fait, le shirk, tout simplement, il va nous citer un hadith. Et dans ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est le hadith qui est rapporté par Aïcha, Umm al-Mu'minin, la mère des croyants, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit 10 font partie de la fitra. Ashurun min al-fitra. C'est-à-dire 10 qui font partie de la fitra. Al-fitra. Donc ça, ce terme al-fitra, c'est un terme qui est important au niveau de l'islam. Al-fitra, bi-ta. Il nous dit en fait, le shir, lorsqu'il va commencer l'explication du hadith, il nous dit qu'al-fitra, c'est en fait al-khilqa. C'est-à-dire al-khilqa, c'est au moment où Allah Azzawajal nous a créé, il nous a créé suivant en fait une prédisposition. C'est-à-dire qu'il nous a créé suivant une nature, suivant en fait un état. Et cet état-là, c'est ce qu'on appelle en fait al-fitra. Donc en fait, on sait que lorsque la personne elle naît, lorsque l'enfant naît et qu'il sort du ventre de sa mère, quel qu'il soit en fait, il sort ou il naît suivant la fitra. Il naît suivant la fitra. C'est ce qu'on appelle donc ici al-fitra. Et il nous répète, il nous rappelle le shir, rahmatullah alayh, qu'en fait chaque personne est prédisposée naturellement. C'est-à-dire qu'il a été prédisposé naturellement à quoi ? À aimer le bien. À aimer le bien et à détester le mal. Ça c'est en fait de la nature de l'être humain. La personne, elle naît comme ça. C'est comme ça qu'Allah Azzawajal, il l'a créé. Donc on peut traduire le terme al-fitra par la prédisposition naturelle. La prédisposition naturelle. C'est donc la nature humaine, tout simplement. Dès son origine, dès que l'homme naît, il naît en fait en aimant le bien et en détestant le mal. Il naît en étant muwahhid, c'est-à-dire en aimant le tawhid et en allant en direction du tawhid. Et il déteste le shirk, c'est-à-dire qu'il déteste en fait l'associationnisme, le polythéisme et tout ce qui va avec. Il va en fait faire tout pour s'en éloigner. Ça, c'est la fitra. Donc chaque personne naît comme cela. Et le shir nous dit wa fatarahum hunafa. Le terme hunafa, c'est un terme aussi qui va dans le même sens, dans le sens de al-fitra. C'est un terme en fait qui va dans ce sens. Et c'est un adjectif pour traduire l'état d'une personne. Donc ce terme-là, qui est le pluriel hunafa, et son singulier, c'est Hanif, et ça c'est le singulier de quoi ? De Hunafa. Et on va voir en fait que le shir va nous citer un hadith, un verset du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala va employer ce terme. Donc ce terme Hanif, c'est un terme en fait qui qui est venu aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un terme qui est important à comprendre. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه. Donc ça c'est un sahabi qui nous rapporte un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. Et dans ce hadith le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit وإني طبعا c'est un hadith qui est قدسي. فيقول وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم هكذا الحديث. C'est-à-dire, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qu'il dit « Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum » Hunafa'a kullahum. C'est-à-dire, il dit que j'ai créé les êtres, ibadi, c'est-à-dire mes serviteurs, les hommes, au départ je les ai créés hunafa'a. Donc le terme ici qui est employé, c'est aussi hunafa'a. C'est encore on voit en fait que c'est le pluriel donc de hanif. Et hanif, en fait, c'est la personne qui va en fait aimer le tawhid. Qui va aimer le tawhid, c'est-à-dire il va s'écarter de tout ce qui est du polythéisme. Donc c'est en fait le muwahhid. Al-hanif c'est le muwahhid en vérité. Al-hanif c'est en fait le muwahhid, celui qui aime le tawhid et celui qui se conforme au tawhid et qui s'écarte de quoi? Du polythéisme. Donc à la base la personne elle naît comme telle. Et Allah Azzawajal nous a créé de cette façon-là. Comme fi hadha al-hadith, alladhi rawahu al-imam Muslim. C'est un hadith qui est fi sahih Muslim. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين. Donc c'est ensuite, et c'est là en fait qu'on va voir que c'est une preuve, ce hadith est une preuve pour dire en fait que le shirk amrun tari, c'est-à-dire que le shirk c'est une chose qui est venue ensuite, qui est venue après. C'est-à-dire que l'homme dans un premier temps il est muahid, chaque homme, chaque enfant lorsqu'il naît il est muahid, c'est-à-dire hanif, une personne en fait qui va être suivant le tawhid, qui va naître suivant le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est al-fitra, la prédisposition naturelle. Et c'est qu'ensuite que le shaitan ou que les shayatin, comme a déjà fait le hadith, wa innahum atatuhum ash-shayatin, c'est-à-dire c'est les djabs qui sont venus, qui les ont fait diverger. C'est pour ça que le terme fajtalatuhum, qui veut dire istakhaffuhum, fadhahabu bihim, wa azaluhum amma kanu alayhi, kama ala, yani min sharh l'imam al-Nawawi. C'est-à-dire c'est une explication de l'imam al-Nawawi qui nous dit wa yaqul wa jalu ma'hum fil batil. Fil batil, c'est-à-dire qu'ils les ont pris, qu'ils les ont embarqués en fait avec eux dans l'ignorance, dans le faux, fil batil. Donc en fait ils les ont fait sortir de ce sur quoi ils étaient au départ, c'est-à-dire al-fitra, c'est-à-dire al-din al-hanif, la religion pure, la religion pure, la religion qui n'accepte aucun polythéisme, aucun shirk. Et dans une version de ce hadith, il est rapporté aussi fakhtalatum, badal fashtalatum fakhtalatum, wal ma'na yahbisunhum 'an dinihim wa yasuddunhum 'anhu. C'est-à-dire le deuxième terme ou le deuxième verbe qui est employé dans ce hadith et qui est aussi rapporté par certains rapporteurs du hadith et qui veut dire en fait qu'ils les ont pris ou qu'ils les ont empêchés de leur religion, ils se mettent devant eux et ils les écartent de la religion. Donc c'est un terme qui est proche au fait, qui est aussi proche du terme du premier verbe employé, fajtalatuhum. Donc ça c'est une preuve dans ce hadith que l'homme il est créé suivant al-fitra et que sa fitra c'est quoi? C'est le tawhid. Taïb. Et qu'ensuite c'est le shirk qui est advenu, qui vient en fait dans un deuxième temps. Donc ça c'est clair. Et donc c'est pour ça que le shir, rahmatullah alayhi, il a insisté sur cela. Et il nous a dit que chaque personne naît suivant al-fitra. Et c'est le terme qui est employé dans le hadith du prophète sallam, ashrun min al-fitra. Ensuite, il va mettre en évidence le shir, rahmatullah alayhi, que les rites ou les emblèmes de al-fitra sont de deux catégories. Donc en fait, il y a deux catégories. Et il nous dit la première catégorie, ma yutahir al-qalb wal-ruh, ce qui purifie le cœur et l'âme. Et il nous dit wal-iman billah wa tawabi'u. C'est-à-dire que c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui suit. Donc on s'aperçoit à partir de là que la première catégorie, c'est ce qui est en fait à l'intérieur de la personne. C'est quelque chose qu'on ne peut voir et qu'on ne peut palper, mais qu'on peut ressentir. Et c'est ce qu'on appelle en fait ici al-fitratu al-ma'nawiyya, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de l'homme. Et c'est pour ça que le shir nous dit que la personne, lorsqu'elle naît, elle naît automatiquement avec la peur d'Allah, avec l'espoir en Allah Azza wa Jalla et envers son amour. C'est pour ça qu'il dit min khawfi wa raja'i wa muhabbati wal inabati ilay, le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de revenir par le repentir, par le pardon, de revenir à son Seigneur. Et ensuite, à partir de là, elle va citer le verset du Coran. Et ce verset-là, c'est le verset qui se trouve sur Surat al-Rum, c'est-à-dire les Romains. Et c'est le verset 30 et 31. Les deux versets. Le verset 30 et 31. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا. C'est-à-dire, dirige tout ton être vers la religion exclusive pour Allah, bien sûr. Et donc, on voit encore le terme qui est employé ici, c'est le terme Hanif. Le terme Hanif, c'est-à-dire suivre la religion, les dîn Hanifan. C'est-à-dire, il faut que tu suives cette religion comme tu as en fait été créé dès le départ, c'est-à-dire suivant la fitra, en conformité avec le tawhid d'Allah Azzawajal, et que tu t'écartes de tout politisme, de tout associationnisme. Donc, c'est ça en fait le terme qui est encore employé ici, Hanifa. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا. Bien sûr, lorsqu'on traduit, on dit tout l'être. Alors ici, que le terme est employé, al-waj. Al-waj, bien sûr, qui est en fait la face. فَأَقِمْ وَجْهَكَ, c'est-à-dire, dirige ton visage, ta figure, لِلْدِينِ حَنِيفًا, c'est-à-dire, envers la religion, exclusive, exclusivement. Par rapport à ça, les savants, ils disent, bien sûr, ici, lorsqu'on dit al-waj, on veut dire tout le corps. Donc, ça va avec vikru. Al-juz wa yuradu bihi al-kul. Yuradu bihi al-kul. C'est-à-dire qu'on cite une partie du corps, mais on veut en fait tout le corps. C'est-à-dire que la personne, de par son corps en entier, doit se remettre à Allah Azzawajal, doit suivre la religion telle qu'elle est. Taïb. Ensuite, la suite du verset, ou la traduction du sens du verset, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Donc le terme aussi employé ici, c'est le fitra. Fitratullah illati fatara an-nasa 'alayha. Donc on voit en fait que les deux termes sont employés, le terme Hanif et le terme Fitra. Et on voit ici donc, d'après ce verset, pourquoi ils ont été cités tous les deux, parce que ce sont des termes qui sont proches. Fitratullah illati fatara an-nasa 'alayha. C'est-à-dire, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Donc c'est l'origine en fait de chaque homme, comme on l'a dit. Mais la plupart des gens ne savent pas. Revenez repentant vers lui, craignez-le, accomplissez la prière et ne soyez pas parmi les associateurs. Ça, c'est le verset qu'il a cité le cheikh pour nous prouver cela. Et c'est un verset aussi qui est clair. Non. Ça, c'est pour la première catégorie. Ensuite, maintenant, la deuxième catégorie. La deuxième catégorie. Et c'est en fait ce qui va rentrer dans le hadith. En fait, le hadith, il va nous citer tout simplement la deuxième catégorie de Al-Fitra, et non la première catégorie. Donc la deuxième catégorie, يقول الشيخ والنوع الثاني ما يعود إلى تطهير الظاهر ونظافته ودفع الأوساخ والأقذار عنه وهي هذه العشرة وهي من محاسن الدين الإسلامي إذ هي كلها تنظيف للأعضاء وتكميل لها لتتم صحتها وتكون مستعدة لكل ما يراد منها. إيه نعم. C'est-à-dire en fait maintenant que la deuxième partie c'est ce qui est en apparence, c'est-à-dire al-fitra, celle qui apparaît. Celle qui est en apparence. Donc ici, c'est le fitratul hissiya. Donc celle qui apparaît, celle que l'on voit. Et c'est celle qui est citée dans les 10. C'est-à-dire les 10 qui sont cités font partie de la fitra. Ils font partie de la fitra, mais ne sont pas. C'est-à-dire qu'ils font partie de la fitra, mais ils ne représentent pas toute la fitra. Le fitratul, c'est un terme qui est encore plus général que cela. Il rentre d'autres choses par rapport à cela. Comme nous l'explique l'imam al-Nawawi, rahmatullah alayh. Il nous dit, le shirk, que ça fait partir de la propreté extérieure, de s'écarter et le fait de se nettoyer de tout al-awsar qui sont en fait les impuretés. Et hadha min mahasin ad-din al-islam, ça fait partie en fait des bienfaits de cette religion, de la religion de l'islam. Inam, le fait que l'islam non seulement elle a pris en considération l'intérieur de l'homme, mais elle prend aussi en considération l'extérieur de l'homme, c'est-à-dire al-islam yahuth, c'est-à-dire que l'islam nous incite non seulement à nous purifier de l'intérieur, mais n'a pas oublié aussi l'extérieur. Et en fait, la religion est, aussi, est donc propreté. La propreté fait part entière de la religion. Et il nous dit, le shirk, que c'est le fait de nettoyer tous les membres du corps. Donc on revient au hadith en lui-même. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. Ça, c'est les deux premiers qui sont cités. Donc le premier, c'est le fait de tailler les moustaches, al-sharib, le fait de tailler et de couper les moustaches. Et donc en fait on voit le terme al-sharib qui est employé ici. Pourquoi? Parce que ça vient en fait, les moustaches sont placées directement au-dessus de la bouche. Et c'est par la bouche en fait que l'on boit. Donc on voit ici la corrélation au niveau du terme al-sharib, qasu al-sharib wa ihfa al-lahya. Et donc le deuxième, après avoir taillé les moustaches, c'est quoi? C'est délaisser la barbe. Et donc al-ihfa, au niveau de la langue arabe, al-irfa, et ça c'est un terme qui est c'est un terme qui est important, al-irfa'u, au niveau de la langue arabe, ça veut dire at-tark. At-tark, c'est-à-dire donc délaisser. C'est délaisser la barbe, c'est la délaisser, la laisser. Laisser la barbe, c'est ce qu'on appelle al-irfa. Al-irfa, irfa ou l'ihya. Et donc ça fait partie de quoi? De la nature saine, ça fait partie de la nature humaine que l'homme laisse sa barbe. Et le fait qu'il la coupe ou qu'il la rase, alors il va à l'encontre de quoi? De l'al-fitra. Il va à l'encontre en fait de la nature humaine. Ça c'est les deux premiers. Ensuite, il y a le Nabi Sallam, wasiwak. Wasiwak, comme tout le monde le sait, c'est le siwak. Le bâton donc, al-oud min shajarat al-arak, ce qu'on appelle arak, c'est-à-dire le bâton que l'on prend de cet arbre qui s'appelle arak et avec lequel en fait on se nettoie bien sûr les dents. Avec lequel on se nettoie les dents et c'est asiwak. Ça c'est en fait le troisième. Le quatrième, istinshaq al-ma. Istinshaq al-ma. Donc al-istinshaq, c'est le fait de rentrer de l'eau à l'intérieur des narines. Le fait de rentrer de l'eau à l'intérieur des narines. Donc pour se nettoyer en fait les narines. Istinshaq al-ma. Wa qasul avafir. Wa qasul avafir. C'est ici qasul avafir. Donc le fait de se couper quoi? De se couper les ongles. De se couper les ongles. Donc ça c'est le cinquième. Wa ghusl al-barajim. Al-barajim. Al-barajim, c'est un terme qui est ici employé au pluriel. C'est un terme qui est employé ici au pluriel. Et son singulier c'est al-burjuma. Son singulier c'est al-burjuma. Et donc al-barajim, c'est les articulations. Hein, c'est les articulations qui se trouvent au niveau des phalanges. C'est-à-dire le doigt, bien sûr, comme vous le savez, quand on regarde son doigt, on voit qu'il a une articulation en haut, une articulation en bas, et ensuite la dernière articulation. Donc il a comme trois articulations. Et ici, le maqsoud, c'est en fait la peau qui va être plissée. Vous voyez la peau qui se plisse à ce niveau. On peut voir, en fait, lorsqu'on met notre doigt tout droit, on va voir en fait que cette peau plissée, elle récupère des impuretés. Et donc, lorsqu'on travaille dans la terre, etc., les impuretés vont se placer à cet endroit-là. Donc, il va apparaître cet endroit comme sale. C'est-à-dire, à ce niveau-là, on va voir il va l'apparition d'impuretés. Et des moments, ce n'est pas évident à faire partir. Donc, c'est pour ça que, ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que ça fait partie de la fitra de nettoyer cet endroit-là. De nettoyer cet endroit-là. C'est-à-dire de faire partir les impuretés qui vont s'incruster à ce niveau, au niveau des articulations des doigts. Et, bien sûr, au niveau des plissures que l'on voit sur le doigt. Al-barajim. Al-barajim. Ensuite, wa natful ibt. Donc, al-ibt, bien sûr, c'est les selles. C'est ce qui se trouve sous le bras. C'est les selles. Wa al-natf, c'est bien sûr l'épilation. Donc, c'est s'épiler. Et à la base, le terme natf, ça veut dire se tirer. Se tirer les poils. C'est-à-dire tirer les poils, faire une épilation des poils qui se trouvent, bien sûr, sous les aisselles. Ensuite, yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc on voit que le premier terme c'est al-natf et le deuxième terme c'est al-halq. Al-halq qui est en fait le fait de raser. Donc ici c'est le rasage. Les poils donc qui vont se trouver sur le sexe et autour du sexe, que ce soit de l'homme ou de la femme. Et ça c'est ce qu'on appelle al-ana. Donc à ce niveau-là on se rase. Donc ici c'est le rasage bien sûr en employant ce qu'on appelle le mousse, c'est-à-dire en employant le rasoir. Al-ana, donc ce qui est au-dessus, les poils qui se trouvent au-dessus du sexe et autour du sexe, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. Et ça, ça fait partie de l'al-fitra de les raser. On appelle aussi ce terme, comme ça vient dans certains termes de la sunna, le prophète Sam a employé le terme al-istihdad. Al-istihdad. Pourquoi? Parce qu'on emploie al-istihdad qui vient du terme al-hadid. Al-hadid, et pourquoi? Parce qu'on emploie al-hadid. On emploie donc le fer, le rasoir. Et le rasoir, il est fait de fer. Donc c'est pour ça qu'on dise al-istihdad, qu'on dise halqul ana, ça veut dire la même chose. Wa intiqasul ma ya'ni al-istinja. Donc al-istinja, comme tout le monde le sait, c'est le fait de se laver les deux parties. Et le cheikh va nous le dire et nous le précise, c'est le fait de se laver, bien sûr, les parties, les deux orifices, que ce soit devant ou que ce soit derrière. Se laver avec quoi? Avec de l'eau. Se laver avec de l'eau. Donc ça, c'est al-istinja. Et c'est le neuvième qui est cité dans ces dix. Et ensuite, Rawi, il dit qu'il a oublié le dixième. Wa nasitu al-ashira illa an takuna al-madmada. Al-madmada, c'est en fait le fait de rentrer de l'eau dans la bouche hein, et d'articuler ce tout à l'intérieur de la bouche. C'est-à-dire de faire un mouvement avec l'eau à l'intérieur de la bouche pour bien sûr faire partir l'aoussar, faire partir aussi les impuretés qui peuvent se trouver à l'intérieur de la bouche, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-mabmaba. Et donc, ça fait partie, c'est le dixième que le rawi, c'est-à-dire le rapporteur, va nous citer dans ce hadith. Donc on les répète, les dix, c'est important de les apprendre. Qassu sharib, se tailler la moustache. Qassu sharib. Wa ihfa ul lihya. Donc, délaisser la barbe. Délaisser la barbe. Donc on a vu le terme ihfa ouna, ça veut dire tark. Donc, laisser la barbe. Assiwak, qui est le troisième. Istinshaq ul ma, qui est le fait de rentrer de l'eau à l'intérieur des narines, qui est le quatrième. Qassul avafir, qui est le taillage de quoi? Des ongles. Ça, c'est le cinquième. Ghusl al-barajim, qui est le fait de se laver donc les articulations des doigts. Donc la peau plissée que l'on trouve au niveau des articulations des doigts. Ça, c'est ghusl al-barajim. C'est le sixième. Ensuite, le septième, natful ibt. Natful ibt. Et on a vu que le terme natf, bien sûr, ça veut dire arracher. Et ça, en fait, c'est l'épilation de quoi? Des aisselles. Al-ibt. Al-ibtu bit-ta, c'est l'aisselle. Al-ibtu. Ensuite, ça, c'est le septième. Et le huitième, halqul ana. Halqul ana. Et on a vu, en fait, que le terme ici, c'est le rasage qui est employé. Donc, se raser quoi? Al-ana, qui sont en fait les parties. C'est-à-dire se raser les poils qui se trouvent sur le sexe et autour aussi du sexe. Que ce soit pour l'homme et pour la femme. Ça c'est le huitième. Wa intiqasul ma, yani l'istinja. Il veut dire par là rawi l'istinja, qui est le fait de se laver avec de l'eau les deux parties, c'est-à-dire l'orifice avant et l'orifice arrière avec de l'eau, une fois bien sûr qu'on a été aux toilettes. Wa nasitul ashira illa an takuna al-madmada. Et donc le dixième, il nous rapporte le rapporteur que c'est al-madmada, et c'est le fait d'inspirer de l'eau avec la bouche et donc de faire bouger en fait c'est tout à l'intérieur de la bouche, c'est ce qu'on appelle al-mabmada. Donc ça c'est 10 qui font partie de al-fitra et qui font partie de la deuxième catégorie d'al-fitra, et donc qui est al-fitra al-zahira, celle qui est apparente. Al-fitra tu al-zahira, celle qui est apparente. يقول الشيخ فأما المضمضة والاستنشاق فإنهما مشروعان في طهارة الحدث الأصغر والأكبر بالاتفاق وهما فرضان فيهما من تطهير الفم والأنف وتنظيفهما. Il nous dit le shir de façon générale que al-mabmaba wa al-istinshaq, donc le fait de rentrer de l'eau dans la bouche et le fait de rentrer de l'eau dans le nez, ça c'est légiféré. Fa innahuma mashru'an. Ces deux choses sont légiférées. Que ce soit fi taharati al-hadath al-asghar, donc se purifier de l'impureté mineure, al-asghar, qui est l'impureté en fait mineure, donc ça c'est lorsqu'on fait le wudu, ou al-akbar, c'est-à-dire al-hadath al-akbar. Et là, c'est ce que lorsqu'on fait en fait al-ghusl, lorsqu'on se lave tout le corps tout en entier, lorsqu'on a eu un rapport sexuel, etc. Tout ce qui va rentrer dans le hadath al-akbar, c'est-à-dire la grande impureté, ou l'impureté majeure. Donc ils sont en fait, ces deux choses sont mashru'an. Et le terme mashru'an ici, c'est-à-dire mashru', c'est-à-dire légiféré. Ensuite il nous dit le shir, wa huma fardan fihima min tathir al-fam wal-anf wa tanzifihima. لأن الفم والأنف يتوارد عليهما كثير من الأوساخ. من الأوساخ. C'est-à-dire que la bouche et le nez, ce sont deux membres où la personne fait face au vent, etc. Et donc, il advient souvent à l'intérieur de ces choses-là, de quoi l'Aoussar, c'est-à-dire des impuretés. Et par rapport, est-ce que c'est obligatoire de laver le nez et la bouche durant l'eau et durant la grande ablution, c'est-à-dire le roussel? Ça, en fait, il y a un irtilaf des savants par rapport à ça. Et il faut savoir, en fait, que les savants qui ont dit que ça rentrait fi ma'na al-wajh, que ça rentrait le wajh et l'extérieur de al-wajh, alors ils ont dit que c'était obligatoire de laver. Donc c'est une obligation de laver ces deux parties du corps lorsqu'on fait l'eau ou lorsqu'on fait la grande ablution. Et ceux qui disent que ça fait partie de l'intérieur, c'est-à-dire le nez, ça fait partie min ba'atin al-wajh, eux, ils disent en fait que ce n'est pas obligatoire, mais c'est mustahab, c'est recommandé. Donc à partir de là, ceux qui disent que ça rentre fi zahir, en apparence du visage, ils disent que c'est obligatoire. Et les savants qui ont dit que ça rentre à l'intérieur en fait du visage, min ba'atin al-wajh, eux, ils disent en fait que ce n'est pas obligatoire, mustahab. À la kulli hal, le shir yaqul annahu farban. Ils sont en fait tous les deux obligatoires, et qu'elles rentrent fi al-zahir, c'est-à-dire à l'extérieur du visage. طيب يقول الشيخ وكذلك السواك يطهر الفم فهو مطهرة للفم ومرضاة للرب. Et ça c'est un hadith, en fait il revient avec la version d'un hadith qui est un hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, ou un hadith Sahih, c'est un hadith qui est authentique. C'est-à-dire que le siwak est non seulement mataharatu lifam, c'est-à-dire le moyen de se purifier la bouche, mais c'est aussi la satisfaction de notre Seigneur. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle utilise le siwak, donc on voit d'après ce hadith de Aïcha, on voit en fait que le siwak est une chose qui est très importante au niveau de la religion. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça nous permet de. Ça fait partie de l'al-fitra, le siwak, comme il est venu dans ce hadith, et dans un deuxième temps, ça nous permet en fait de purifier notre bouche. Ça nous permet de purifier notre bouche et de purifier nos dents. Et en même temps, et ça encore, c'est encore une autre faïda, ça nous permet d'acquérir la satisfaction de notre Seigneur, comme c'est venu dans ce hadith. Et le shir nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Que le siwak, il est légiféré à tout moment. Naam. À tout moment de la journée, il est légiféré le siwak. Lakin wa yata'akkad عند الوضوء والصلاة والانتباء من النوم وتغيير الفم وصفرة الأسنان ونحوها. C'est-à-dire que il va être en fait appuyé, son utilisation va être appuyée, ça va être encore plus recommandé son utilisation à certains moments. Et parmi ces moments-là, au moment où on fait l'obo, au moment en fait où on fait ses ablutions, au moment aussi où on va prier. Et tout ça, bien sûr, il y a des hadiths qui sont venus par rapport à ça, sans les citer. Au niveau de la prière aussi, au moment où on se lave de notre sommeil, où on se réveille de notre sommeil, il est important aussi d'utiliser le siwak. Aussi au moment où notre bouche, où l'odeur de notre bouche se transforme, qu'on a une mauvaise odeur en fait. Là aussi, il est important, il est recommandé d'utiliser le siwak. Kadalik wa sufratil asnan, c'est-à-dire le jaunissement des dents. Lorsque la personne, hein, il lui advient en fait le jaunissement au niveau des dents, alors il est très recommandé dans son cas à lui de quoi d'utiliser le siwak pour faire partir justement ce jaunissement. ويقول الشيخ أما قص الشارب أو حفه حتى تبدو الشفا. C'est-à-dire, il nous dit en fait le shir comment on doit maintenant par rapport à couper les moustaches, comment on doit faire. Il nous dit en fait qu'on doit les couper jusqu'au moment où on apparaît en fait la lèvre, le haut de la lèvre. Et particulièrement le haut de la lèvre. Également aussi le bas de la lèvre. Mais ce qui est demandé, bien sûr, au niveau de la moustache et ce qui se trouve en fait entre le nez et entre la bouche, hein, et le haut de la lèvre, que l'on voit en fait la lèvre. Donc, shafa, c'est la lèvre. Donc, il faut faire apparaître la lèvre. C'est ça en fait, qasu sharik. Et bien sûr, par rapport à ça, les savants, ils ont des divergences. Est-ce qu'on coupe vraiment, c'est-à-dire à ras de la peau, jusque ça apparaît la peau, ou est-ce qu'on laisse beaucoup, ou on laisse un minimum en fait de poils par rapport à la moustache? Le principal, à la kulli hal, le principal ici, c'est qu'on laisse apparaître quoi? On laisse apparaître le haut de la lèvre. C'est ça en fait. Le haut de la lèvre, on le laisse apparaître. Et donc, il n'y ait pas de poils qui descendent en dessous du haut de la lèvre. C'est ce qui est demandé en fait dans qasu shari. Imada le shir, pourquoi? Parce qu'il nous dit tout simplement lorsqu'on boit et lorsqu'on mange, si on a des poils au niveau de la moustache qui descendent, alors automatiquement il va avoir ensuite un afar, c'est-à-dire il va avoir des restes par rapport au manger ou par rapport à la boisson qui vont apparaître sur cette moustache-là. Et ça en fait c'est contraire à an-nadhafa, c'est contraire en fait à quoi? À la propreté. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith qui nous dit que ça fait partie de l'al-fitra, qasu shari. فهذا بخلاف اللحية من فإن الله جعلها وقارا للرجل وجمال وجمالا له. C'est-à-dire le shir il nous dit ça c'est contraire à al-lahya, c'est-à-dire c'est contraire à la barbe. Pourquoi? Parce qu'en fait la barbe c'est un autre hukm, c'est une autre loi la barbe. Il nous est pas permis de la tailler comme on taille en fait al-sharib, comme on taille en fait la moustache. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il nous dit le shir qu'Allah Azza wa Jal il a placé dans l'homme la barbe, wiqaran, c'est-à-dire respect. C'est-à-dire lorsque une personne qui a une barbe, c'est une personne en fait qui va avoir du wiqar, ce qu'on appelle en fait du respect, qui va inspirer du respect envers les autres. Et également, il nous dit le shir, jamalan, c'est-à-dire aussi la beauté. Et c'est vrai que l'homme en fait, lorsqu'il laisse pousser sa barbe, et c'est là en fait que va apparaître la réelle beauté. فلذلك يقول الشيخ ولهذا يبقى جماله في حال كبره بوجود شعر اللحية. C'est-à-dire qu'il nous dit le shir, hatta, jusqu'au moment où la personne devient vieille, alors il reste en fait cette beauté que l'on trouve en fait dans les poils de cette barbe-là. Et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et c'est ça en fait la religion. C'est-à-dire la personne qui maintenant taille sa barbe, alors il faut savoir qu'il a désobéi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il a désobéi au prophète, qui lui nous a obligé de laisser pousser la barbe. Et il y a le shir, كيف يبقى وجهه مشوها قد ذهبت محاسنه وخصوصا وقت الكبر فيكون كالمرأة العجوز إذا وصلت إلى هذا السن ذهبت محاسنها ولو كانت في صباها من أجمل النساء وهذا محسوس ولكن العوائد والتقليد الأعمى يوجب استحسان القبيح واستقباح الحسن. نعم. Ça c'est un terme ou c'est une phrase qui est importante qui nous dit le chien. Il nous dit que comment la personne peut raser sa barbe et surtout en plus le musulman. À plus forte raison le musulman. Comment en fait il peut raser sa barbe, sachant que le chir il nous dit que lorsqu'on rase sa barbe, alors on va faire partir la beauté que l'on trouve sur le visage de l'homme. On fait partir en fait la beauté que l'on trouve sur le visage de l'homme. Mushawahan, il dit le chir. Il emploie le terme mushawahan, c'est-à-dire carrément défiguré. Et c'est vrai, comment on peut voir en fait un homme qui se rase la barbe, et qui ressemble en fait exactement à la femme? On ne trouve aucune différence entre l'homme et la femme au niveau du visage. Pourquoi? Parce qu'il a rasé sa barbe et il a ressemblé par rapport à ça à une femme. Et c'est pour ça qu'il nous dit « wa khususan waqt al-kibar », c'est-à-dire encore plus au moment où la personne elle vieillit. Au moment où la personne elle vieillit. Il faut savoir à ce moment-là que par rapport à la femme, même si la femme, comme il nous dit le chef, elle faisait partie des plus belles femmes durant sa jeunesse, il faut savoir que quand elle devient vieille, à ce moment-là, son jamel, c'est-à-dire sa beauté, part. « Zahabat mahasinwa ». Zahabat mahasinwa. Donc, il ressemble par rapport à cela à la vieille femme, lorsqu'il nous dit le shirk. Fayakun kal mar'atil ajouz, c'est-à-dire la femme, la vieille femme, la femme qui a vieilli, la femme qui a pris des rides, la femme qui est vieille et dont sa beauté a disparu de son visage à cause de son grand âge. Et il nous dit par rapport à ça le shirk que cette personne-là devient comme elle, surtout au moment où il vieillit. Il n'y a aucune différence entre elle et lui. Alors que s'il avait laissé sa barbe, alors le mahasin et sa beauté seraient restés. Ou le wiqar, c'est-à-dire le respect qu'il va inspirer aux autres. Mais il nous dit le shir, malheureusement, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on trouve malheureusement chez les musulmans ceux qui font le contraire. C'est-à-dire qu'ils laissent pousser leur moustache et qui rasent leur barbe. Et ça, en fait, c'est at-taqlid al-a'ma. C'est le fait de suivre des habitudes qui sont aveugles. Et c'est pour ça ces habitudes-là, comme il nous dit le shir, c'est-à-dire ces habitudes aveugles que l'on suit, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en fait rendre le beau vilain et le vilain beauté. Istihsan al-qabih ou istiqbah al-hasan. C'est-à-dire que les gens, ils en sont en fait à inverser, à faire le contraire, à dire que la personne qui laisse pousser sa barbe, c'est quelque chose qui n'est pas joli, qui n'est pas beau. Et la personne qui rase sa barbe, au contraire, c'est quelqu'un en fait qui va être quelqu'un de propre et quelqu'un de beau, qui va en fait conserver en fait sa beauté. Donc on voit que ceux qui suivent le taqlid al-a'ma ou al-awa'id, comme il nous dit le cheikh, c'est-à-dire les coutumes que l'on suit aveuglément, ça va nous amener à ces choses-là. Ayyadan billah. Et qui est le contraire de la fitra, comme nous l'informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui est clair et net. Ensuite, il dit le shaykh rahmatullah alayhi. واما قصر الاظافر ونتف الابط وغسل البراجم وهي مطاوى البدن الذي تجتمع فيها الاوساخ. C'est-à-dire, ce sont des choses qui sont en fait cachées par rapport au corps. Ou on va dire des choses dont la peau renferme les impuretés. C'est le corps avafir, c'est-à-dire des ongles. C'est-à-dire l'impureté, les saletés vont venir se placer sous les ongles. Donc en fait, si on ne coupe pas les ongles automatiquement, on aura beau en fait laver automatiquement, l'impureté vont venir se coller en fait sous les ongles. C'est pareil pour ce qui est de dessous les aisselles, c'est-à-dire les poils, etc. Lorsqu'on ne peut nettoyer correctement cela, il va venir en fait s'incruster aussi les impuretés. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de quoi de les épiler. Par rapport, bien sûr, lorsqu'on a natful ibt, un natf, donc on a dit c'est le fait d'arracher, d'épiler. Mais il est permis aussi, pourquoi? Parce que certaines personnes ne peuvent supporter, parce que c'est quand même assez douloureux, et les personnes qui ne peuvent supporter, aussi, il est permis aussi al-halq, c'est-à-dire il est permis aussi de raser. C'est-à-dire que ce qui est demandé a été fait, c'est-à-dire que l'on ait enlevé les poils dessous les aisselles. Et c'est vrai que l'imam Shafi'i est rentré chez une personne qui justement était en train de se raser. C'est-à-dire que ce n'est pas comme la sunna du prophète qui nous a dit de faire un natf. Et la personne a dit en fait à l'imam Shafi'i, il ne supportait pas la douleur par rapport à cela. À la kulli hal al-as fil hadith, c'est arracher, c'est ça. À l'origine du hadith, c'est qu'on arrache en fait, qu'on épile les poils de dessous les aisselles. Naam. Ensuite, il y a le shirk wa man istinja wa izalatul kharij min sabilain bima'in aw hajar. C'est-à-dire l'istinja, le fait de se laver avec de l'eau ou de se laver en cas où on ne trouve pas de l'eau, de se laver en fait avec des pierres, deux orifices, ça, ça fait partie aussi de al-fitra. Et c'est même obligatoire. Il y a le shir lazim. Wa shart min shurut al-tahara. Ça fait partie des conditions de quoi ? De la pureté ou de la purification al-tahara. Donc automatiquement, si la personne veut faire ses ablutions, il faut qu'elle ait avant tout lavé ses deux parties. Il faut qu'elle lave avec de l'eau ses deux parties. Ou si elle n'a pas d'eau, alors qu'elle lave avec des pierres. Donc ça, ça fait partie des conditions de al-tahara. Que ce soit la grande ablution ou la petite ablution. La personne qui n'a pas nettoyé ces parties-là et qui fait son wudu, alors son wudu n'est pas valable. Pourquoi ? Parce qu'il reste en fait sur son corps athar al-najasa. Il reste en fait sur son corps des traces d'impureté. Et ensuite, le shia, rahmatullah alayhi, il nous explique tout simplement que al-fitra, c'est quelque chose qui est général et qui englobe en fait toute la législation, que ce soit au niveau intérieur, comme on l'a cité dès le départ, ou que ce soit au niveau extérieur. Que ce soit au niveau intérieur et que ce soit au niveau extérieur. Qu'on se débarrasse de toutes les mauvaises habitudes que l'on a, de toutes les mauvaises choses que l'on a dans son cœur, ça, ça fait partie de la fitra. Et c'est ce qui est la fitratu, yani, celle qui se trouve à l'intérieur. Et également, tout ce qui est à l'extérieur du corps, de faire partir les impuretés, comme c'est dans ce hadith, etc. Ça, ça fait partie aussi de la fitra, mais celle qui est apparente. Ensuite, le shir, il nous rapporte un hadith, il nous rapporte un verset pour terminer. فيقول ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان c'est-à-dire الطهور شطر الإيمان c'est un hadith bien sûr qui est rapporté par l'imam muslim من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه الطهور شطر الإيمان c'est-à-dire الطهور la purification fait partie de quoi et même une partie de la foi est une partie de la foi الطهور شطر الإيمان c'est-à-dire الطهور ce terme الطهور donc avec الضمّة الطهور شطر الإيمان. Donc ça veut dire l'action de se purifier fait partie de la foi. Ça fait partie de la foi. Donc la personne qui a une foi qui est complète, automatiquement, ce sera une personne qui sera propre en elle-même. Que ce soit de la propreté intérieure, de la purification intérieure, de la pureté intérieure, ou de la propreté de la pureté extérieure. Al-tuhur, shatrul iman, comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Au niveau de ce terme-là, al-tuhur, il faut savoir qu'il est avec le dhamma, comme je vous ai dit. Al-tahur, c'est en fait... avec quoi on fait la tahara. Donc ça, ce sont des termes en arabe, au niveau de la langue arabe, où il faut faire attention lorsqu'on trouve ces termes-là. C'est pareil aussi pour le terme suhur ou as-sahur. As-suhur ou as-sahur. Donc en fait, al-tuhur avec al-bamma, c'est en fait l'action de faire purification, ou de se purifier. C'est l'action. Lorsqu'on dit avec al-bamma, al-tuhur, al-tuhur. Et lorsqu'on dit al-tahur avec al-fatha, c'est en fait ce avec quoi on fait notre purification. Ce avec quoi on fait notre purification. Donc c'est pour ça que le prophète Samiroul at-tahuru ma'u al-hillu maytatu. At-tahuru ma'u al-hillu maytatu. C'est-à-dire lorsque la personne, une des personnes était venue voir le prophète sallam et lui avait demandé par rapport à l'eau de la mer, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire l'eau d'eau, l'ablution avec l'eau de la mer. Le prophète sallam il lui a répondu at-tahuru ma'u al-hillu maytatu. C'est-à-dire que l'eau est pure. C'est-à-dire que l'eau est pure. Et l'eau, c'est avec quoi on fait quoi ? Purification. Donc le terme ici employé, c'est avec le fatha, al-tahur. Et c'est pour ça aussi que le prophète sallam yaqul tahuru ina yahadikum idha walaga fil kalb an yaghsilahu sab'a marrat ou lahunna biturab. C'est-à-dire votre ina qui est en fait sahn et qui est en fait l'endroit, le récipient où en fait on va se nourrir, il nous dit le prophète sallam yaqul lorsque le chien qui lèche à l'intérieur de ce récipient, il faut le laver en fait cette fois. Et une des fois avec bitturab, c'est-à-dire avec de la terre. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qala tahuru ina yahadikum, c'est-à-dire que va être pur votre récipient. Donc le terme ici employé c'est avec al-fatha, tahur. Et le terme donc at-tuhur c'est l'action. Donc quand je résume, at-tuhur c'est l'action de faire. Et at-tahur c'est avec quoi on fait. C'est-à-dire avec quoi on fait la purification. Et donc en l'occurrence ici c'est l'eau. Et c'est pour ça que Ali radiallahu anhu, lorsque dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i, lorsqu'il a fait l'eau d'eau, il a dit fil akhir ahbabtu an uriyakum kayfa tuhuru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kayfa tuhuru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ici le terme c'est avec la dhamma tuhuru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'action de la purification, c'est-à-dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est purifié, comment il a fait l'action de la purification. Donc le terme ici, c'est quoi? C'est avec Dhamma, Tuhur. C'est pareil aussi pour le terme Suhur, As-Suhur ou As-Sahur. As-Suhur, c'est l'action en fait de manger, donc de prendre le repas juste avant l'Adhan, Adhan al-Fajr. C'est-à-dire durant le jeûne, lorsqu'on prend notre repas juste avant l'Adhan, c'est-à-dire juste avant le début de la journée, on appelle ce repas-là As-Sahur. As-Sahur. Donc ce que l'on mange et ce que l'on prend, c'est As-Sahur, Bil-Fatha. Et l'action de manger, c'est As-Suhur. Donc c'est pareil, on voit ici la corrélation, c'est pareil donc entre Tuhur et Tahur, ou As-Suhur ou As-Sahur. As-Suhur, l'action de prendre le repas, As-Sahur, ce qu'on prend, c'est-à-dire de quoi on se nourrit, que ce soit des dattes, de l'eau ou autre. Ça, c'est As-Sahur. Ou As-Suhur, l'action. Non. Et le shir ensuite, il nous cite le verset pour finir, Fayaqul, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Donc ça, c'est un verset clair et net qui nous dit, où Allah Azzawajal nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui reviennent à lui, ceux qui se repentent à lui, at-tawwabin. Et il aime qui également? Wa yuhibbu al-mutatahhirin. Alladhina yatatahharun, c'est-à-dire ceux qui se purifient. Allah Azzawajal, il aime ceux qui se purifient. Qu'ils se purifient de l'intérieur et qu'il se purifie de l'extérieur. Donc la purification et la pureté intérieure et extérieure, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça va nous apporter en fait l'amour d'Allah Azzawajal. Ça va être la cause de l'amour d'Allah Azzawajal. Yuhib, yaqul Allah Azzawajal, wa yuhibbul mutatahhirin. Il aime ceux qui se purifient. Il aime ceux qui se purifient. Subhanakallahumma bihamdika. Shadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.